Bienvenue à Mélomane sur les ondes du 99.1 et 88.9 CFNJ FM ou encore en direct sur CFNJ.net. De partout dans le monde, Mathieu Lajoie qui s'installe au micro en ce mercredi 18 novembre 2020. Très content de vous retrouver ce soir après une petite relâche pour l'émission la semaine passée. Et sinon, ben juste avant ça, on s'était laissé avec un grand spécial années 80. Donc, vous vous en doutez, on s'en va complètement ailleurs ce soir. Ceux qui sont dans le groupe Facebook Mélomanes le savent déjà. D'ailleurs, partagez-moi donc ça, ce beau petit groupe-là. Mais sinon, juste entendre le thème un peu différent ce soir, ça nous donne déjà un bon indice. C'est le même thème qu'à l'habitude, soit Green Onions, qu'on entend habituellement en version originale par Booker T and the MGs, gros hit de 1962 chez Stax Records qu'on a déjà exploré. Mais ce soir, c'est dans un arrangement acoustique pour guitare seule qu'on l'entend, interprété et arrangé par Glenn Leffler en 2011, parce que ce soir, on est dans les ambiances feutrées, 100% acoustique pour une deuxième fois. C'est un Mélomane Unplugged. Tout ça au 99.1, 88.9 CFNJ. Spend my days with a woman unkind. Smoke my stuff and drink all my wine. Made up my mind. Make a new start. Going to California with an aching in my heart. Someone told me there's a girl out there with love in her eyes and flowers in her hair. Chances on a big jet plane. Never let them tell you that we're all the same. Oh, the sea was red and the sky was gray. Wondered how tomorrow could ever follow today. Mountains and the canyons start to tremble and shake. The children of the sun begin. Watch out. Seems that the wrath of the gods got a punch on the nose and it's starting to flow. I think I might be sinking. Throw me a line if I reach it in time. Meet you up there and the path runs straight. To find a queen without a king. They say she plays guitar and cries and sings. La la la la. Ride a white mare in the footsteps of dawn. Trying to find a woman who's never, never, never been born. Standing on the hill in the mountain of dreams. Telling myself it's not as hard, hard, hard as it seems. Thank you. fraîcheur à mes pieds. Je laisserai le vent baigner ma tête nue. Number one. 99.1 et 88.9 CFNJ. C'est Mélomanes avec Mathieu Lajoie. I'm looking for a hard-headed woman, one who'll take me for myself. And if I find my hard-headed woman, I won't need nobody else. No, no, no. I'm looking for a hard-headed woman, headed woman, one who'll make me do my best. And if I find my hard-headed woman, I know the rest of my life will be blessed. Yes, yes, yes. I know a lot of fancy dancers, people who can glide you on the floor. They move so smooth, but have no end. answers. Whoa. When you ask me what you come here for, I don't why. Thank you. c'est-tu pas beau, ça, mesdames et messieurs. De la belle musique, 100% acoustique ce soir à Méloman, et ce, sur les ondes de CFNJ 99.1-88.9, avec un beau bloc qui vient de se terminer avec une magnifique, magnifique chanson qui gagnerait donc à être plus connue, une chanson du nom de Velvet Wedding, sortie en 2014, et par qui? Eh bien, peut-être que les détracteurs d'Hubert Lenoir vont se rétracter un peu. Parce que c'est lui qu'on vient d'entendre en compagnie de son frère, Julien Chiasson. Parce que oui, le nom de baptême d'Hubert Lenoir, c'est Chiasson. D'ailleurs, Julien qui vient de sortir un mini-album en passant en mai dernier, sous le nom de Julien, que je vous invite à écouter, très très mélodique, un peu dans la veine de ce qu'on vient d'entendre. Mais, par contre, ce qu'on vient d'entendre, justement, c'est le groupe The Seasons, duquel faisaient partie, effectivement, les frères Chiasson, mais aussi Samuel Renaud et Rémi Bélanger. Tout ça pour un album fabuleux du nom de Pulp, en 2014, qui était rempli à rebord de petits bijoux comme Velvet Wedding, qu'on a entendu ici. Malheureusement, on a à peu près juste entendu le single Apples, à l'époque, à la radio. Mais ça vaut vraiment plus la peine que ça. Et juste avant les Seasons, ben on a entendu un classique de Cat Stevens, Hard-Headed Woman, un extrait d'un album légendaire, rien de moins, de 1970, qui s'appelait Tea for the Tillerman, et qui est considéré par plusieurs, avec raison, comme étant pas mal son album le plus important en carrière, même si Cat Stevens nous a offert une méchante bonne run d'album, comme qui dirait, au moins de 1970 à 1974. Et Cat Stevens, qui était précédé ici par une chanson que j'ai fait exprès de mettre là juste pour vous faire pleurer. Et oui, des fois, j'ai envie de vous faire pleurer, chères auditrices, auditeurs. Une chanson d'une rare sensibilité qui, je l'espère, a surtout été une belle découverte pour certains d'entre vous. En tout cas, ça l'a été pour moi en 2008, alors que j'étais disquaire, la belle époque où les disques existaient encore. Bref. Un bon matin, je reçois un album d'un certain Jeffrey Gurumul Yunupingu, un aborigène d'Australie qui semble souffrir de cécité. Je me dis, bon, on va écouter ça. Et là part la chanson « Oui à Toul » qu'on a entendu ici. Pas besoin de vous dire qu'il se passe vraiment de quoi avec cette chanson-là. Et tout l'album, d'ailleurs, M. Gurumul, qui va malheureusement décéder quelques années plus tard, en 2017, ça vaut vraiment le détour. Jeffrey Gurumul, qu'on a entendu juste après un tout jeune Robert Charlebois qui nous chantait des mots de nul autre qu'Arthur Rimbaud, le poète maudit en personne, avec Sensation, un extrait de l'excellent album Québec Love de 1969. D'ailleurs, un auditeur me rappelle qu'il y avait aussi une version italienne. Donc, on a probablement traduit le texte de Rimbaud en italien. Et c'était Robert Charlebois qui l'interprétait toujours. Cette chanson-là qui précédait nos amis de Led Zeppelin qui nous ont fait l'honneur d'amorcer cette magnifique soirée acoustique qu'on s'offre ce soir avec le classique Going to California 1971. Mais c'est pas fini. 100% acoustique ce soir avec Méloman Unplugged 99 ans. Et au 88.9 CFNJ. So while I was gone, away while you were long, distances get more and more each day. While I was in my head, while you were in my bed, and were you so long, and though I'm feeling strong, I imagine feel the thoughts you think. If I try hard to feel for you, while you try and feel for me, together we could always. Could make it three more weeks. If I can make it three more.

place and I'll choose the time. And I'll climb the hill in my own way. Just wait a while for the right day. And as I rise above the tree line and the clouds, I look down, hear the sound of the things you said today. Thank you. Cette nuit, dans la Naudière, c'est froid, minimum de moins 15 à moins 11 degrés. Des nuages aussi jeudi, peut-être quelques flocons en matinée, maximum de 0 à 3 degrés. Et vendredi, les températures remontent pour une seule journée, cependant, alternance de soleil et de nuages, maximum de 10 à 14 degrés. CFNJ 99 Et c'est à Méloman que ça se passe ce soir, toujours en plein spécial 100% acoustique sur les ondes de CFNJ 99.1, 88.9, avec encore une fois un bloc qui, ma foi, regorgeait de musique, toutes plus belles les unes que les autres, et qui s'est terminé dans la stratosphère avec M. John Lennon, membre fondateur des Beatles, et qui se passe de présentation, et qui aurait fêté, il n'y a pas si longtemps, le 9 octobre dernier, ses 80 ans. D'ailleurs, si vous en avez la chance et que vous êtes moindrement un fan, je vous invite fortement à l'écouter le spécial que son fils, Sean Lennon, a fait pour marquer l'événement à la BBC. Vraiment très intéressant. Il y a des entretiens très touchants avec Paul McCartney, Elton John, qui soit dit en passant, est son parrain, et surtout avec son frère, Julian Lennon. C'est ce que je pense qui est le plus touchant parce qu'ils n'avaient jamais vraiment fait de sortie publique ensemble depuis tout ce temps-là. Donc, ça vaut vraiment la peine d'écouter ça. Mais pour revenir à nos moutons, on a entendu John ici avec un des extraits les plus purs de son premier album solo, qui l'était déjà d'un bout à l'autre, de l'album Plastic Ono Band de 1970. On a entendu la pièce Love, tout simplement, qui elle-même suivait le groupe Pink Floyd, avec une très belle chanson qu'on oublie trop souvent de leur album Metal de 71, une pièce qui s'intitule Fearless, dans laquelle on peut aussi retrouver à la toute fin ce qu'on devine être un enregistrement d'une foule qui chante à une partie de football. Eh bien, pour être plus précis, c'est effectivement pour une partie de football, pour le Liverpool Football Club. Et la pièce qu'on entend, la foule chanter, ben c'est un extrait d'une comédie musicale des légendes du genre Richard Rodgers et Oscar Hammerstein, deuxième du nom. Un air qui s'appelle You'll Never Walk Alone et qui nous provient de Carousel, une comédie musicale de 1945. Donc un air qui est devenu un chant de ralliement pour les fans de football à Liverpool. Évidemment, quand on parle de football à Liverpool, on parle de soccer ici, hein? On parle pas de football américain. Et donc, juste avant Pink Floyd, on a fait un petit détour vers la Jamaïque pour entendre la toute dernière pièce du tout dernier album enregistré par Bob Marley de son vivant avec son groupe Les Wailers. Quoique là, il était tout seul à la guitare, donc il n'y a pas de Wailers là. Tout le reste va sortir à titre posthume pour ce qui est de ses chansons. On a entendu M. Marley seul à la guitare, comme je disais, avec Redemption Song de l'album Uprising de 1980. Bob Marley qui va malheureusement nous quitter au très jeune âge de 36 ans, un an seulement plus tard. Et sinon, ben juste avant, Rayon découverte un peu plus, encore une fois. Quoique, elle est quand même assez connue aujourd'hui, mais on a entendu la gracieuse autrice, compositrice, interprète danoise qui est Agnès Obel, toujours pertinente, toujours magnifique. Et on l'a entendu ici en 2010 avec On Powdered Ground, qui suivait M. Richard Séguin, accompagné de sa sœur Marie-Claire, qui, en 1976, était tout simplement connue comme Les Séguin, et de qui on a entendu ici leur version d'une vieille chanson folklorique commune à la France et au Québec, chanson qui originalement s'appelait Le Canard Blanc, mais qui, dans sa version populaire, va devenir lentement, mais sûrement la version qu'on connaît, V'là le bon vent, de laquelle on a entendu, je le rappelle, la version complètement déjantée des Séguin en 76, qui était précédée ici par Elevator to Hell, un très bon groupe de Moncton au Nouveau-Brunswick, qui faisait plus dans l'indie folk, rock folk, lo-fi alternatif des années 90. Bref, un groupe malheureusement défunt pour ce que j'en sais, mais toujours aussi bon, on les a entendus en 1996 avec Three More Weeks. Et nous, ben, ça se poursuit à l'instant, toujours en plein Méloman Unplugged 99.1, 88.9 CFNJ. Takes me to you. I'm so nervous I just sit and smile. Your house is only another mile. Thank you, driver, for getting me here. You'll be an inspector, have no fear. I want it. Threepence and sixpence every day, just to drive to my baby. Threepence and sixpence each day, 'cause I drive my baby every way. I said now I got my magic bus.

gravity plan. De usual terrain. Si quand tu le dis l'amour passe à travers le linge, pourquoi quand j'enlève mes plumes y'a rien qui pense pareil. Dommage que tu sois pris, j'embrasse mieux que je parle. Les promesses et les mentries, souvent je les avale. Je t'avalerai aussi comme la rouille le métal. Même si il me reste l'espoir. Un corps et d'asphalte fraîche pour mettre mes initiales. Dommage que tu sois pris, j'embrasse mieux que je parle. C'est un volant qui se tient à deux mains. Où il est celui qui veut la même chose en même temps, la même affaire aujourd'hui, demain et devant. Dommage que tu sois pris, j'embrasse mieux que je parle. J'ai le cœur blindé, mes corps, mon ange est dans l'effort. Quand ce qui ne nous tue pas nous rend quand même plus mort. Peut-être que tout ça sonne comme si je baisse les bras. En vrai, c'est juste que j'ai personne à mettre dedans. Dommage que tu sois pris, j'embrasse mieux que je parle. Et toujours en plein, Méloman, Unplugged. Deuxième du nom, émission 100% acoustique ce soir sur les ondes de CFNJ 99.1 à 88.9. Et on vient d'entendre la formation avec pas de casque, dont le chanteur et membre fondateur Stéphane Lafleur est aussi cinéaste à ses heures. C'est lui qui va réaliser et scénariser le film Continental, un film sans fusil de 2007. Avec Gilbert Sicotte, Fanny Mallette, Réal Bossé. Un film pour lequel il va quand même se mériter des jutras pour le meilleur scénario, la meilleure réalisation, le meilleur film. Bref, s'il y en a qui sont fans, comme moi, de films québécois obscurs qui passent tard le soir à Télé-Québec. Mais reste qu'on le connaît beaucoup pour son groupe un peu indie folk. Là, on était un peu dans le country quand même, saveur country un peu. Qui ont su attirer ce groupe-là l'attention à leur arrivée. Nous, on les a entendus avec « Dommage que tu sois pris, j'embrasse mieux que je parle », tiré de leur mini-album de 2013, à peu près du même nom, qui s'appelle « Dommage que tu sois pris », tout simplement. Qui était, comme vous l'avez entendu, à savoir, comme je dis, un petit peu country, l'espace d'un EP. Chose qui était précédée d'un autre groupe de rock indépendant qui, mine de rien, roule sa bosse depuis 93 déjà. Mais nous, on les a entendus en 2000. Il s'agissait de Modest Mouse avec Gravity Rides Everything, qui suivait certainement un des petits bijoux de la soirée, un héros incontesté, plutôt, de l'indie folk, mort malheureusement beaucoup trop jeune, mais on peut encore se bercer au son de sa musique. On a entendu Elliott Smith avec son classique Between the Bars de 1997, chanson qu'on a tout d'abord pu entendre dans le film de Gus Van Sant, Good Will Hunting, la même année. C'est pas mal ça qui va le propulser, d'ailleurs, qui va propulser la carrière de M. Smith. Et sinon, ben tantôt, on a entendu John Lennon. Ben là, c'était l'autre, et non le moindre, Sir Paul McCartney, avec lui aussi un extrait de son tout premier album solo après la séparation des Beatles. Album qui s'intitulait tout simplement McCartney, et duquel on a entendu la magnifique Junk 1970, tout comme pour Lennon. Puis tu sais, des fois, on pense qu'on connaît Lennon, McCartney, les Beatles, etc. Mais de grâce, arrêtez-vous pas aux compilations. Vous allez passer à côté de plein de petites perles comme ça. C'est pas sur une compilation que vous allez retrouver Junk ou des trucs comme ça, à moins que ce soit vraiment une compilation exhaustive, là, 2 et 3 CD. Mais sinon, ça va toujours être les mêmes chansons. Puis vous allez passer à côté de plusieurs beaux titres, autant des Beatles que Paul Lennon, McCartney, Harrison, etc. Bref, je dis ça, je dis rien. Et on a aussi entendu qui d'autre que le guitariste Steve Hackett au sein de son groupe Genesis en 1972 avec sa magnifique pièce instrumentale Horizons, qui est pas sans rappeler le fameux prélude en sol majeur, la première suite pour violoncelle seule de Jean-Sébastien Bach en personne. Et tout ça amorcé par The Who avec Magic Bus, gros hit de 1968. Ce qui nous mène à poursuivre notre aventure acoustique ce soir. Tout ça, évidemment, Meloman Unplugged, 99.1, 88.9, CFNJ. J'ai 12 ans, mon main, j'ai pas peur du sein, je suis plus une enfant, pour qui tu faut que je me dépasse. J'ai déjà trouvé mon premier cheveu blanc. J'ai 12 ans, mon j'ai pas beaucoup de temps, je sais pas si tu comprends comment je me sens. Un jouet passé les fusées dans le firmament. Peut-être que la bombe, un neutron, sera le meilleur remède contre les misères sur la terre. Oui. Naturellement, tu regardes seulement. Ce qui se passe dans l'univers. J'ai 12 ans, j'ai besoin d'argent. avoir d'enfant, mon mari. Faut que je commence à prendre la pilule. J'ai 12 ans, mon mari. J'ai pas beaucoup de temps, je sais pas si tu comprends comment je me sens. Passer les fusées dans le firmament. J'espère qu'un jour je pourrai partir dedans. J'ai 12 ans, maman. Helplessly hoping. Wishing he could fly, only to trip at the sound of goodbye. Wordlessly watching, he waits by the window and wonders at the empty place inside. Heartlessly helping himself to her bad dreams, he worries, did he hear a goodbye? Or even hello? They are one person, they are two alone, they are three together, they are four. Has its cost. Love isn't lying, it's loose in a lady who lingers, saying she is lost and choking on hello. They are for each other. Cigarettes were smoking by themselves. She'll do anything. She'll do anything. She'll do anything to make you feel like an asshole. Question marks stretched across her skin. She dangles carrots, makes you feel embarrassed to be the fool you know. FNG. Yeah. in a parking lot, was buying coffee and cigarettes, firewood and bad wine long since gone. But I'm still drunk and hot, wide awake, breathing hard. And now in just 1 year's time, I've become jealous, rail thin, prone to paranoia when I'm stoned. This isn't true love, someone ought to put me in a home. Say, do you wanna get married? Put an end to our endless, progressive tendency to scorn. Provincial concepts like your dowry and your daddy's farm. For love to find us of all people, I never thought it'd be so simple. Let's buy a plantation house and let the yard grow wild till we don't need the signs that say keep out. I've got some money left and it's cheaper in the south. I need someone I can trust to protect me from my 7 daughters when my body says enough. Don't let me die in a hospital. I'll save the big one for the last time we make love. Insert here sentiment, re our golden years. All 'cause I went to the store. Seen you around, what's your name? J'ai pas rêvé, j'suis avec toi. Dans un motel, prends la main. On est déjà le matin. Par la fenêtre, on voit l'autoroute. Et puis le ciel, la pluie tombe tranquillement sur l'asphalte noir du stationnement. Déjà le matin, me semble qu'on vient d'arriver. T'as le le même prénom que ma mère. Ça fait drôle d'y penser. Tes cheveux scintent comme l'été. Dans tes yeux jouait toute la terre. J'oublie ma job, j'oublie de m'en faire. J'entends des petits oiseaux dans un motel de l'île Perrot. Dans un motel de l'île Perrot. Prends le téléphone, on va se faire venir un déjeuner. Si tu veux, on peut rester couché. Dans un coin de la chambre, une TV en couleur, c'est de valeur. J'ai pas le goût de la regarder, moi qui rêvais d'assez. Déjà le matin, me semble qu'on vient d'arriver. T'as le même prénom que ma mère, ça fait drôle d'y penser. Tes cheveux sentent comme l'été. Dans tes yeux, je vois toute la terre. J'oublie ma job, j'oublie de m'en faire. J'entends des petits oiseaux dans un motel de l'île Perrot. Dans un motel de l'île Perrot. Et c'est toujours à Mélomanes que ça se passe ce soir en formule acoustique, s'il vous plaît, sur les ondes de CFNJ 99.1, 88.9, avec un groupe que vous avez sans doute reconnu, même si c'est une chanson qu'on entend un petit peu moins souvent que, disons, la complainte du phoque en Alaska. On a bien sûr entendu Beau Dommage avec la très belle Motel Mon Repos, composition très folk, toute Michel Rivard, qu'on pouvait retrouver sur Où est passée la noce, deuxième album de la formation dont on a déjà parlé à l'occasion à l'émission. On avait fait jouer il n'y a pas si longtemps Un incident à Bois des Filions, pièce qui faisait l'entièreté de la face B de cet album. Et fidèle à nous-mêmes, on l'a fait jouer au complet à l'émission. Bref, Beau Dommage, qui suivait un formidable artiste du nom de Father John Misty, de son vrai nom Jay Tillman, qui donne lui aussi un peu dans l'indie folk et qui, en plus de mener de front sa carrière solo, va faire partie d'une foule de formations dont Fleet Foxes, qu'il faut connaître absolument. Et il va tellement être apprécié et remarqué qu'il va même finir par écrire pour des Beyoncé, Lady Gaga et Post Malone de ce monde. Donc, si vous voyez Jay Tillman à côté d'une chanson, il y a de bonnes chances que ça soit lui. Mais là, c'est avec une de ses plus belles chansons en carrière, vraiment, qu'on a entendu Father John Misty avec I Went to the Store One Day, sorti en 2015, et qui était précédé ici d'un one-man band, ou presque, là, qui a tellement été influent dans l'underground des années 90 que ça en est presque cliché les citer aujourd'hui. Pour certains milieux urbains un peu hipster, on s'entend peut-être, mais ça n'empêche en rien que c'est un groupe complètement excellent du nom de Neutral Milk Hotel, qu'on a entendu en 2011 avec la très urgente Little Birds, grand parolier Jeff Magnum, qui suivait elle-même cette chanson. Un autre héros de la contre-culture des années 90, un jeune garçon du nom de Beck Hansen, qu'on appelle tout simplement Beck, et qui allait connaître un méga succès en 94 avec Loser, que vous connaissez tous, mais qui va tout de même prendre le temps de retour aux sources lo-fi la même année, un style dont on avait parlé dans notre dernier spécial acoustique, où c'est une esthétique recherchée de faire des enregistrements de basse fidélité, contrairement par opposition à haute fidélité ou hi-fi, donc le lo-fi. Mais longue histoire courte, Beck va faire partie de ce mouvement avant de devenir la star décalée qu'on a connue plus tard, un album qui s'appelle One Foot in the Grave, et c'est avec la chanson Asshole qu'on l'a entendu. Et One Foot in the Grave, qui est un album de cette époque-là qu'on a entendu Beck ce soir, juste après un classique du folk de 1969, les magnifiques harmonies vocales de Crosby, Stills and Nash sur Helplessly Hoping, David Crosby qui nous venait des Byrds, Stephen Stills qui nous venait de Buffalo Springfield, groupe au sein duquel on pouvait aussi retrouver Neil Young qui va bientôt rejoindre les rangs de Crosby, Stills and Nash pour devenir Crosby, Stills, Nash and Young. Et dans Buffalo Springfield, il y avait aussi Jim Messina qui avait été dans un groupe de musique surf auparavant, qui va après ça rejoindre Kenny Loggins, celui de Footloose et tout ça, pour un très beau duo qui s'appelle Loggins and Messina, que j'ai failli faire jouer ce soir. Ça ira peut-être au prochain Unplugged. Et avec Graham Nash, le dernier mais non le moindre, qui nous vient de l'excellent groupe anglais The Hollies. Donc, du talent, il y en avait au pied carré dans ce groupe-là. Il y avait beaucoup d'attentes pour ce groupe-là. D'ailleurs, ce groupe-là, première prestation de leur vie, même si, comme je vous dis, ils étaient quand même habitués d'en faire chacun dans leur formation respective. Première prestation pour Crosby, Stills and Nash, pardon, ben c'est devant 500 000 de personnes au festival de Woodstock, imaginez. C'est quand même tout un rodage, merci. Beaucoup de talent dans ce groupe-là, des harmonies vocales et tout. Et du talent, ben c'est pas ce qui manquait aussi à Madame Diane Dufresne, qui a amorcé le bloc avec « J'ai 12 ans », chanson aux paroles aussi belles que troublantes qu'on pouvait retrouver sur son album « Striptease », paroles gracieuseté de Luc Plamondon. Tout ça en 1979. Et nous, ben c'est pas encore tout à fait fini, là. On est toujours en plein Méloman Unplugged ce soir. Tout ça au 99 ans et au 88.9 CFNJ. How did it fight loneliness? Smile all the time. Shine your teeth till meaningless. And sharpen them with lies. And whatever's going down, we'll follow you around. That's how you fight loneliness. You laugh at every joke. Drag your blanket blindly. And fill your heart with smoke. First thing that you want will be the last thing you ever need. That's how you fight it. We'll be right back. that you gotta go to school. Tell your mum what to expect. She said it's right out of the blue. Do you wanna work at Debenhams? Cause that's what they expect. Start in lingerie and Doris is your supervisor. And the head said that you always were a queer one from the start. The careers you say you wanna be remembered for your art. Your obsession gets you known throughout the school for being strange, making life-size models of the Velvet Underground in play. In the queue for lunch they take the piss, you've got no appetite. And the rumor is you never go with boys and you are tight. So they jab you with a fork, you drop the tray and go berserk. While you're cleaning up the mess, the teacher's looking up your skirt. Hey, you've been used. Are you calm, settle down? Write a song, I'll sing along. Soon you will know that you are sane. You're on top of the world again. Knowing that you gotta go to school. Tell your mum what to expect. She said it's right out of the blue. Do you wanna work in CNA? Cause that's what they expect. Move to lingerie and take a feel of Jordan Stolman. Tell Veronica the secret of the boy you never kissed. She's got everything to gain, cause she's a fat girl with a list. Fix up for you when you get aggravation from the snuff. Cause you can't afford a blazer girl, you're always wearing gloves. At the end of all, you lock yourself away inside a room. And a pitiless guess, she asks you, what the hell do you think you're doing? You think you're better than the other kids? Well, get outside, you got permission. You got to make the master think he's right. Hey, you think you know. Song, I'll sing along. Are you calm, settle down? Can you hold on back? You are safe. You're on top of the world again. Are you cool and you know? You're a star, you're looking far. You think of me as a friend, not just the boy who played guitar. You're on top of the world. This is Andy Warhol, and it's take one. No, take one. It's Warhol, actually. What did I say? Hole. It's Hole. As in holes. Andy Warhol. What? Andy Warhol. Andy Warhol. Like ho. Andy Warhol, take one. Ah. Ready? Yeah. Like to take a cement fix, be a standing cinema. Dress my friends up just for show, see them as they really are. Put the people in my brain, two new pens to have a go. I'd like to be a gallery, put you all inside my show. Andy Warhol looks a scream, hang him on my wall. Andy Warhol, silver screen, can't tell them apart at all. Mm-hmm. take a little snooze. Tie him up when he's fast asleep. Send him on a pleasant cruise. When you wake up on the sea, be sure to think of me and you. To think about paint and to think about glue. What a jolly boring thing to do. Andy Warhol, let's just scream. Hang him on my wall. Andy Warhol, silver screen. Can't tell them apart at all. Andy Warhol, let's just scream. Hang him on my wall. Andy Warhol, silver screen. Can't tell them apart at all. Au 99.1 et 88.9 CFNJ. C'est Mélomanes avec Mathieu Lajoie. Are you going to Scarborough Fair? Parsley, sage, rosemary and thyme. Was a true love of mine. Tell her to make me a turmeric shirt, a deep forest green, parsley, sage, rosemary, and thyme, snow crested brown, without no sleep. Strands and polishes of gun. She'll be a true love of mine. Tell her to reap it in a sickle billows blazing in scarlet battalions. Parsley, sage, rosemary, and thyme. Scarborough Fair. stately and full of life. In his life he spoke but rarely. In his mind he cried for light, bending perception, trying to capture that which he saw in his questioning strife. Once in Lisbon, twice in London, traveling round for all of his time, looking for and finding a goddess, he took Diana to be his wife. Children they'd begotten, two had died without knowing life, and the third I know not whereof, but if she lives she will yet be kind. She had a mark of simple value. He had a star between his eyes. In his hands he held an axe blade, the Greek symbol of thunder and fire. He went out and took his blade, chopping wood to warm his hearthside. The lightning came and my brother died. Tales of the canyon's might, but wish him peace and eternal wisdom, for he has died and he died in light. for this town. They're all in my mouth. Only I don't know how they got out here. Turn me back into the dead. I was when we met. I was happier then with no mindset. And if you turn. Jump from my trees and die and dance like a king in the ice. So as the rest of our lives we'll be dead white. New slang when you notice the stripes, the dirt in your fries. Hope it's right when you die. Old and bony, dawn breaks like a bolt through the hall. I should have called, but my head's to the wall and I'm lonely. And if you turn to me like a girl takes to the wind, I'd have jumped from my trees and guide and dance like the king of the ice. So as the rest of our lives will be dead. Godspeed, all the beggars are done. They all cut their thumbs. They bleed into their buns till they melt away. I'm looking in on the good life I might be. You'll never find without trust. The flaming fields am I too dumb to refine. To me, like a I did dance like a queen of the eyes. So as the rest of our lives were fed well. Et c'est sur ces belles notes que se conclut notre belle soirée acoustique à Mélomanes ce soir sur les ondes de CFNJ. Mais vous me connaissez, même s'il nous reste pas beaucoup de temps, en fait, il nous reste pas du tout de temps, on est dans la plus complète illégalité. Je pourrais jamais vous laisser aller sans vous dire ce qu'on a entendu dans notre dernier bloc. Eh bien, ça sera chose faite parce qu'on vient d'entendre l'excellent groupe The Shins, les Tibias. Un groupe américain de folk indépendant signé chez Sub Pop, pour ceux qui connaissent un peu la mecque de l'indie à Seattle. On les a entendus en 2001 avec New Slang, qui est pas mal la pièce qui les a fait connaître, et qui suivait un classique de Sean Phillips, qui a toujours connu un grand succès au Québec, probablement plus qu'aux États-Unis. On a entendu de l'album Second Contribution, la très belle The Ballad of Casey Dices de 1970, qui elle-même était précédée d'un méga classique basé sur une ballade traditionnelle anglaise, mais ici, dans sa version la plus connue, Simon & Garfunkel avec la magnifique Scarborough Fair Canticle de 1966. Et juste avant ça, un peu de Bowie, tout droit sorti d'un album exceptionnel de 1971 qui s'appelle Hunky Dory, tout juste avant l'époque Ziggy Stardust. On a entendu Andy Warhol avec son riff de guitare qui a fort probablement inspiré Metallica pour Master of Puppets. Metallica qui faisait déjà référence à Bowie sur cet album-là avec Leper Messiah. Une auditrice me dit aussi que ça fait un peu penser au Picbois de Beau Dommage. C'est très possible que Beau Dommage ait écouté du Bowie aussi. Et bref, ce sera pour une autre émission. On en reparlera, Metallica, les influences, Beau Dommage, tout ça avec Bowie. Et tout ça qui est amorcé par deux groupes super importants. Un qui nous vient d'Écosse et qui, comme l'ancien dessin animé, s'appelle Belle et Sébastien, qu'on a entendu avec Expectations de 1996, qui suivait les Américains de Wilco, groupe de Jeff Tweedy qu'on connaît pour Uncle Tupelo aussi, avec How to Fight Loneliness en 1999. Et d'ici là, ben moi j'espère que vous n'aurez pas à combattre la solitude justement, parce que ça va aller à mercredi prochain 20h pour notre prochain rendez-vous à Méloman. N'oubliez pas de jeter une oreille à mes petites sélections Classic Rock tous les soirs à partir de minuit. Et moi, je vous laisse avec un très bon groupe dont on va certainement reparler à l'émission. On écoute Moby Grape en 1967 en vous souhaitant une bonne soirée à l'antenne du 99.1 CFNG. Well, I guess you're leaving soon. I can't go on without you. It's useless to try to love you so good. Until I can prove it to you, don't fill my world.